Les médias étrangers ont annoncé l'élection du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti travail de Corée. Le journal Nigerian Observer, l'agence de presse et le journal Vientiane Times du Laos, le journal syrien Tishrin, la radio FM 90,5 du Cambodge, le journal égyptien Al-Ahbaro Al-Masai, l'agence de presse du Congo démocratique, les pages internet du Comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-unisme du Nigeria, de l'association d'amitié Baek-Tusan Tchèque-Corée, de l'association d'amitié et de solidarité Italie-République populaire démocratique de Corée, de la succursale italienne de l'association d'amitié avec la Corée et de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien-coréen, ont rapporté du 10 au 12 mai que le camarade Kim Jong-un est élu président du Parti travail de Corée selon le vœu unanime de tous les membres du parti, des officiers et soldats de l'armée populaire et des civils lors du 7e congrès du Parti travail de Corée. Les publications ont imprimé les photos du maréchal Kim Jong-un.